Interrogation matinale. Ce matin donc, mes rêves ont fait le grand ménage dans ma tête. Je me trouve ainsi prêt à reprendre ma vie choisie de solitaire. Si l'on considère que les poules, les plantes, les minéraux, les livres et les objets en général n'ont pas d'âme et ne constituent pas une compagnie. En déjeunant, je repense un peu à la journée d'hier, à l'événement déclencheur de ma fugue. Peut-être faudrait-il que j'espace désormais un peu plus nos repas avec Lolek et Danka, pour que notre rendez-vous dînatoire n'ait plus lieu qu'une fois par trimestre. L'essentiel, c'est bien que l'on garde le contact. Si j'ai besoin de savoir qu'ils existent, je ne vois pas en quoi l'espacement d'un mois supplémentaire changerait la donne. On n'imagine pas tout le travail que représente la mise en condition préparatoire à la communication entre amis, la douleur de l'extraction de la bulle de concentration. Une fois que celle-ci s'est faite, les efforts à fournir pour accomplir le chemin inverse et pénétrer à nouveau dans une bulle devenue presque étanche sont de nature colossale. On ne peut pas s'en faire une idée complètement juste si on ne l'a pas vécu. Plusieurs jours pour sortir, d'autres encore pour rentrer, autant de moments pris à la vie et au travail. Danka me dit souvent « Quel mal tu t'es donné pour ce repas !» Mais le repas n'est rien, c'est le million de secondes environnant celui-là qui me porte peine. Quand je vais voir Aimé, on parle de tout et de rien. Parfois, je lui raconte une partie de mes tourments, d'autres fois, c'est son tour. D'autres fois encore, on ne parle que de vélo, de pignon, de chaîne, de lubrifiant. Aimé est une présence reposante. Et nous savons tous deux que notre amitié n'implique ni effort, ni concession, ni quoi que ce soit d'ailleurs. On se voit, c'est tout. On parle, on rit un peu, il me bâille « Bon, j'ai sommeil, Miloche, je vais au pieu. » Et je m'en vais. On se dit ce qu'on a envie de se dire, sans trop de forme. Au fond, je crois qu'Aimé est un peu comme moi et qu'il le sait. Quand il me traite d'excentrique ou d'asocial, il se fait aussi des compliments à lui-même. Nous sommes au courant tous les deux. Avec Lolek et Danka, que j'adore, les choses me paraissent plus officielles. Je me fais en leur présence un devoir de ressembler à quelqu'un qu'ils pourraient rencontrer à la boulangerie ou lors de leurs nombreuses soirées, en me déguisant quelque peu un homme ouvert et intéressant dans les limites de ma garde-robe. J'ai l'impression que si je ne me livre pas à cette petite mascarade, je les perdrai un jour. Je suis sans cesse en train de me poser des questions sur nos relations, qui, pour être très fortes, n'en sont pas moins fragiles. Pas de mon côté, car, comme je le disais, de longues semaines peuvent s'écouler sans que je les voie, et mon amitié à leur égard n'en est aucunement ternie. Eux, en revanche, doivent seulement me considérer comme un élément de leur cercle d'amis. S'ils ne me voient plus, ils continueront à dîner avec les autres, alors qu'importe que Miloche ne les appelle plus. La famille s'accroche, et même effilochée, un lien de sang reste un lien, paraît-il. Mais les amis, c'est autre chose. J'aimerais tant, parfois, me transporter dans la tête de l'autre pour être rassuré. La réflexion, non. Beaucoup trop dangereux. Après un bon petit déjeuner équilibré, composé d'au moins 5 pensées diverses comme on le conseille dans les journaux, je suis en mesure d'organiser ma journée. Arrosage du jardin et polissage. Le soleil tape déjà fort. Pour cela, je décide de ne pas donner à boire à mes légumes dans l'immédiat. Ils n'en profiteront que mieux ce soir, à la fraîche. Me dirigeant vers l'atelier, je tombe nez à nez avec mon reflet qui me dévisage, benêt, depuis le miroir. Dépeigné comme à son habitude, les yeux un peu ailleurs, il est couvert de griffures laissées par les épines acérées des ronciers. Je vois clair dans le jeu du sournois. Il est en train de me rappeler mon petit moment de panique de la veille, à l'arrivée de cette famille dangereusement unie. Je range ce mauvais souvenir dans un des tiroirs du passé, dont je jette la clé loin par-dessus mon épaule, en continuant mon chemin vers l'atelier.